qu'un aveugle qu'ils prennent pour guide, rien qu'un homme que le diable a pris pour cible. Mes péchés sont nombreux, tellement nombreux que je peux pas les dénombrer. Je peux qu'espérer que Dieu me pardonne, qu'il m'accorde le repentir avant que ma dernière heure sonne. J'écris peut-être l'un de mes textes les plus poignants, car à cette heure ma vie semble prendre un tournant. Les tourments font suite au rebondissement, comme quoi, toi comme moi, on n'est pas à l'abri du changement. Mais au fond, ai-je vraiment changé? Je dois constater que pour moi-même, je reste un danger. Je te jure, la foi, c'est tout ce que j'ai. Si je la perds, frère, je perds tout ce que j'ai. J'ai mis ma vie en feu de détresse, dans l'attente d'une aide qui tarde à me venir. Je suis envahi, écrasé par mes faiblesses, et ce au point d'ignorer ce qu'Alix Mathurin va devenir. L'avenir me paraît sombre, le soleil brille toujours, pourtant je sombre. Plus rien de certain si ce n'est la tombe. Je distingue plus mon chemin, y'a trop d'ombre. J'ai fait ce que je pouvais, à défaut d'avoir accompli ce que je voulais. Je suis étonné d'être encore debout, et parfois envers ce que je fais, je t'avoue, j'ai du dégoût. Je me fais peur, je suis à plaindre, et si je baissais les bras, je serais à craindre. Avec ce qui reste de moi, je me bats, et avant tout ce sont mes pulsions que je combats. Avec ce qui reste de moi, je lutte, je m'accroche, mais malgré moi, je chute. Avec ce qui reste de lui, jusqu'où Alix Mathurin pourra tenir le coup? J'ai mis ma vie en feu de détresse, détresse. J'attends une aide qui tarde à me venir. Envahi ma vie par mes faiblesses, faiblesses. Au point d'ignorer ce qu'Alix Mathurin va devenir. Venir. J'ai mis ma vie en feu de détresse, détresse. J'attends une aide qui tarde à me venir. Venir. J'suis envahi ma vie par mes faiblesses, faiblesses. Au point d'ignorer. Ce qu'Alix Mathurin va donner. Parfois j'ai l'impression que je n'y arriverai pas. Et là, je n'ai plus envie de me battre, mais de baisser les bras, crois-moi. Le combat contre le mal est sans répit. Intense, il fait mal, déchire comme un couteau dans une plaie. Je me vide, je me perds, mon cœur saigne. J'appelle à l'aide, mais je trouve personne qui puisse apaiser mes peines. Même pas une épaule sur laquelle je pourrais me reposer. Tant de pression accumulée, un jour je pourrais exploser. Trop exposé au danger, je suis au bord du gouffre. Mes nerfs à vif, à cran. Je pourrais devenir ouf. Scotché à mon lit, j'ai peine à me lever. Je me dis qu'il y a 2 ans, j'aurais souhaité crever. Excusez-moi, mais je traverse une tempête à bord d'un navire que je n'ai même pas le droit de déserter. Je trouve pas de médecin qui puisse enfin guérir mes maux. Et combien comprendront mes lettres derrière ces mots? Ce texte récit d'un homme qui a beaucoup perdu. Peut-être même d'un chercheur qui s'est perdu. Pardonnez-moi si je ne suis pas à la hauteur. Si je ramène la honte plutôt que l'honneur. Pardonnez-moi si je ramène la défaite plutôt que la victoire. La certitude plutôt que l'envie de croire. Moi, j'ai fait ce que je pouvais, à défaut d'avoir accompli ce que je voulais.